Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ah ah, nous revoilà. C'est donc la panique au Mangin Palace, épisode 4. Si tu l'ignores, sache que nous t'embarquons maintenant dans un voyage étrange au cœur d'un monde intergalactique et foutraque. Bienvenue à bord de notre vaisseau spatio-temporel. La machine est prête et le cadran interstellaire nous indique dimanche 2 octobre 2005, 11h05. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es grave. Tu t'appelles d'origine contrôlée, tu es 12 degrés 5, tu es Saint-Émilion, tu es sommelier et tu es aussi dans les vignes du Seigneur. Oui, tu l'auras compris, ce matin, place au vin, nous dévalons les coteaux des vignobles de France. En septembre et en octobre, c'est la tradition, tu vendanges ta vigne, tu foules ton raisin. Cela dit, la consommation du vin en France s'est profondément modifiée. En moyenne, à la fin des années 50, un Français buvait 100 litres de vin par an, presque deux quartos à lui tout seul. L'année dernière, il n'en a bu que 55 litres, ridicule. Alors c'est quoi la culture du vin aujourd'hui? Eh bien, du vin de table au vin de messe, de Gérard Depardieu à Wim Wenders, du Languedoc à la gueule de bois, des pots de vin au fût de chêne, du Romané Conti qui flambe au gros rouge qui tâche, nous allons, dans l'heure qui vient, tenter de te raconter une histoire illustrée, mais décalée, celle de ton verre de vin. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques et les actualités viticoles de la semaine. On est dimanche matin, qu'est-ce qu'on est bien, le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique au Mangin Palace, alors bien sûr, monte le son et déhanche-toi. Shoot it far. I'm your main target. Come and help me ignite. Love struck holding you tight. Hold me tight, dog. Make me explode. Although you know the route to go to sex me slow. And yes, I must react to claims of those who say that you are not all sex. Ah ah, sex bomb. L'écossais Tom Jones, récolté dans les années 60, a plutôt bien vieilli et après 40 ans de cave, arrive à maturation dans les années 90. Sex bomb, un tube de 1999, car il est bon de commencer une émission sur le vin en ouvrant un grand millésime. Le vin est un symbole de la France. Les vins français se retrouvent sur les tables et dans les restaurants du monde entier. Ils jouissent d'un prestige que peu d'autres vins égalent. Le vin en France reste un vecteur de mémoire qui a marqué les modes de vie, les traditions et les paysages. Le vin s'inscrit dans le temps. Tout d'abord, dans le temps court, celui de la fête, le vin reste attaché au plaisir et sa présence est indispensable au bon moment de la vie. Ah, le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnelles quand les filles sont belles du côté de nos gens. Et puis de temps en temps, un air de vieille romance semble donner la cadence. Pour fauter dans les prés, du côté de nos gens. Les mois de septembre et d'octobre sont en France le temps des vendanges qui furent longtemps un marqueur temporel dans le rythme des saisons. D'ailleurs, l'année du calendrier républicain sous la Révolution commençait par Vendémiaire, le mois des vendanges, en fait du 22 septembre au 21 octobre. La vigne et le vin sont donc profondément inscrits dans l'histoire de France et sont de véritables lieux de mémoire. Le vin s'inscrit également dans le temps long. Le travail de la vigne, par les reproductions de gestes ancestraux et l'héritage de savoirs spécifiques, semble intemporel et les vignerons ont toujours une place à part dans le monde agricole. Mais les vignerons ne sont pas que les gardiens de la tradition, ils ont également l'habitude de la contestation. Les grandes crises viticoles, suite au phylloxéra, ont marqué le début du XXe siècle. À Narbonne, en 1907, le mécontentement fait 6 morts et la troupe est envoyée pour calmer le jeu. Oui, le vigneron, faut pas l'enquiquiner parce que, quand il n'est pas content, il sort son gun, comme à Montredon en 1976. Montredon, c'était le 4 mars 1976, les viticulteurs étaient de ce côté-ci. Mécontents, certains avaient le fusil, c'est évidemment leur fusil de chasse, puisqu'ici il y a beaucoup de chasseurs. Les viticulteurs avaient barré la voie ferrée, avaient détruit la voie et incendié des wagons de chemin de fer. Les CRS sont arrivés avec la ferme détermination de faire dégager la voie et de faire dégager la route. Et ça a été la fusillade. Devant la détermination des CRS, les viticulteurs n'ont pas voulu céder. Ils ont pris le fusil, ils ont tiré. Un mort du côté CRS, le commandant Le Goff, et de suite après, un autre mort, Puytès, ici, sur la route Saint-André-de-Roquelongue. Derrière cette vigne et le vin, je dirais que c'est aussi une civilisation que nous défendons, un art de vivre, et que ça, nous y tenons par tout. Le monde viticole sait manifester quand il n'est pas content. A l'inverse, attaquer le vin et les vendanges, c'est aussi contester une certaine France traditionnelle, voire traditionaliste, à un moment et à un âge où l'on veut tout changer. Fini les vendanges en octobre, le raisin ferment en tonneaux. Ils sont très fiers de leurs vignobles, leur Côte-du-Rhône et leur Bordeaux. Ils exportent le sang de la terre un peu partout à l'étranger. Leur pinard et leur camembert, c'est leur seule gloire à ces tarés. Renaud est très énervé en 1975. Il faut dire que le vin reste lié à la politique. Nos rois, empereurs et présidents ont garni les caves de leur palais de vins de prestige et les tables des cérémonies officielles sont ornées de bouteilles de renom. Alors, quand le président Pompidou se rend en Bourgogne en 1970, les vignerons du coin, ils sont tout contents. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Vous allez certainement goûter et retrouver des crus que vous connaissez. Et je dois, au nom de toute la Bourgogne, vous remercier de mettre très régulièrement sur votre table du Palais de l'Élysée des vins de Bourgogne. Nous souhaitons, et c'est le vœu, je crois, le plus cher de tous les bourguignons, que cela dure encore très longtemps. Vous êtes trop gentil, en tout cas. S'il n'est pas en que de moi, croyez bien que les vins de Bourgogne ne quitteront pas le Palais de l'Élysée. Et nous vous en remercions, c'est un plaisir. Bon, l'influence du vin en politique est sans doute sous-estimée. L'engagement politique ne tient pas qu'à la prise de conscience des inégalités sociales et des enjeux de pouvoir. Quand la maman dîne avec la putain, Jean-Pierre Léo peut développer ses théories car il y a Sartre dans un coin. Il y a Sartre dans un coin. Il picole un maximum. Regardez sa table. Vous vous trompez, il n'y a qu'une demi-bouteille devant lui. Oui, il est très malin. Il commande toujours par demi-bouteille pour donner le change. Mais qu'est-ce qu'il en commande? Il sort toujours en titubant, en s'appuyant au mur, vous verrez. À mon avis, toutes ces prises de position, maoïsme, cause du peuple, ne sont que propos d'ivrogne. L'autre jour, j'avais envie de lui dire, vous n'avez pas honte de boire comme ça, avec votre prix Nobel? Je crois qu'il ne faut plus du tout prendre au sérieux tout ce qu'il dit. Il n'y a pas longtemps, il est allé parler aux ouvriers de Biancourt. Il était juché sur un tonneau. Il fait toujours suivre son tonneau. Il n'y a pas de hasard. Il est maoïste parce que l'Orient est rouge. Comme le vin. Il est maoïste parce que l'Orient est rouge comme le vin. En ce moment, le vinaigre doit être assurément la boisson préférée de certains politiques. Le vin et la vigne marquent donc le temps, mais également l'espace. Avec 870 000 hectares de vignes, la France possède plus de 10% du vignoble mondial. La vigne, importée par les Romains et développée grâce au christianisme, s'est implantée partout sur le territoire. La France entière est encépagée au Moyen-Âge et ce n'est qu'au XIXe siècle, principalement après la crise du phylloxéra, que les vignobles actuels s'identifient nettement et se fixent. Le Bordelais, la Bourgogne, l'Alsace, le Val-de-Loire et les autres. Et à chacun de chanter les vertus et la supériorité de sa production. On a chanté tous les bons vins des coteaux de France. Le champagne est le plus divin par son élégance. C'est là-bas que la treille, par l'éclair matin, saluait son soleil, des reflets du vin. Mais parmi tout ceci, le meilleur, oui mes amis, André l'aîné, le bon vin de Champagne, celui qui rend nos cœurs gais et contents. Ce vin léger, dont la gaieté nous gagne, est apprécié dans tout le monde entier. On reconnaît toujours un bon champagne à l'étiquette André l'aîné. Pour protéger les vignobles réputés des vins de moindre qualité, l'AOC, appellation d'origine contrôlée, a été mise en place en 1935. Les grands vignobles en ont d'abord profité et l'appellation s'est répandue. Aujourd'hui, on compte en France 450 AOC à raison d'une bouteille par an, t'as pas le temps de toutes les goûter. Ainsi, à côté de tous les grands crus se développent de petites appellations qui ne payent pas de mine mais qui offrent beaucoup de plaisir. Souvent tanniques, ces vins donnent des résultats insoupçonnés. Le vin de Corse m'avait donné la force de t'avoir dit je t'aime. Le vin de Corse me réchauffe le corps et tu n'es plus la même. La Corse compte à elle seule 9 appellations d'origine contrôlée. En France, de plus en plus de vins sont des AOC. Mais dans le même temps, la lutte entre terroir et cépage fait rage. En effet, en Europe, la majorité des vins sont issus de terroirs, c'est-à-dire d'un territoire délimité aux caractéristiques déterminées. Le cépage, quant à lui, est la variété de vignes utilisée pour faire le vin. Chardonnay, Merlot, Pinot, par exemple. Le cépage est le label utilisé par les nouveaux pays producteurs, comme les États-Unis ou l'Australie, car plus identifiable et surtout plus concurrentiel dans un monde mondialisé. Les terroirs seraient-ils menacés ? Eh bien, la géographie mondiale du vin, qui longtemps est restée centrée sur la France, est en pleine mutation. Aujourd'hui, l'Italie est devenue le premier producteur mondial de vin, suivi de près, il est vrai, par la France. La concurrence de nouveaux pays producteurs est de plus en plus forte. Les vins du Chili, de Californie, de Nouvelle-Zélande remportent sans cesse de nouveaux marchés. Mais les vignerons français ne doivent pas s'avouer vaincus, car rien n'est jamais perdu, rien n'est jamais gagné, car personne n'est dupe. Rien n'est jamais perdu, rien n'est jamais gagné, car personne n'est dupe, il y a dans nos greniers rêve et fruits défendus de quoi réconcilier nord et sud confondus sur le même échiquier. Un mur s'écroule enfin, un autre se construit, il fera chaud demain, mais j'ai froid aujourd'hui. Un mur s'écroule enfin, un autre se construit. On s'accroche à la vie, on prend des vols aussi. Rodéo, rodéo, déo, débat déo. On jambe jour et nuit entre soleil et nuit. Rodéo, rodéo, déo, débat déo. On s'accroche à la vie, on prend des vols aussi. Rodéo, rodéo, déo, débat déo. On jambe jour et nuit entre soleil et nuit. Chansonnier sous tordu, loin des vieux chansonniers. J'ai toujours confondu les œufs et le panier. L'homme, l'individu, la marge et le cahier. Et que je sois pendu si je change d'en crier. Une fusée vers Mars, un puits pour le Sahel. L'eau rougit dans la glace, on vit tous grâce à elle. Allez quoi qu'on fasse, j'aime autant qu'elle ruisselle. Plutôt ici sur place, tout au fond du ciel. Rodéo, rodéo, déo, débat, déo. On s'accroche à la vie, on prend des vols aussi. Rodéo, rodéo, déo, débat, déo. On joue toujours et puis entre soleil et pluie. Rodéo, rodéo, déo, débat, déo. On s'accroche à la vie, on prend des vols aussi. Rodéo, rodéo, déo, débat, déo. On joue toujours et puis entre soleil et pluie. Rien n'est jamais perdu, rien n'est jamais gagné. Pas de malentendu, il faudra batailler. Ces mots, c'est entendu, finiront par payer. Car personne n'est dupe, nos disques sont rayés. Une fusée vers Mars, un puits pour le Sahel. L'eau rougit dans la glace, on vit tous grâce à elle. Une fusée vers Mars, un puits pour le Sahel. Un puits pour le Sahel. On s'accroche à la vie, on prend des vols aussi. Rodéo, rodéo, rodéo, de Badeo, au jour de jour et nuit entre soleil et pluie. Rodéo, rodéo, déo de Badeo, on s'accroche à la vie, on prend des bolos aussi. Rodéo, rodéo, déo de Badeo, au jour de jour et nuit entre soleil et pluie. Rodéo, rien n'est jamais gagné, il faudra batailler. C'est ce que chantent deux des lascars du groupe Zebda, Mousse et Hakim, qui n'ont toujours pas l'intention de mettre de l'eau dans leur vin, et c'est tant mieux. Alors, pour continuer notre voyage au cœur de l'univers viticole, après avoir décortiqué l'histoire et la géographie du vin, voyons maintenant ce qu'est le vin sous son aspect culturel. Oui, parce que pour certains, le vin et tout ce qui l'entoure dépasse allègrement le simple cadre de la boisson. Certes, il existe des vins de soif, mais la pratique et la fabrication du vin peuvent également être considérées comme une activité proche de l'art qui parfois peut même te faire tourner la tête. Écoute bien ce qu'en disent ces deux compères du cinéma français. Un vigneron qui est en train de faire de vinifier son vin, c'est un artiste. Vraiment, je vois Dominique, il ne dort plus de la nuit. Il va se réveiller, il va parler à ses cuves, il va faire des choses. On fait des choses de fou. De même qu'un peintre peut faire des choses de fou. Ça, et puis tout ce que ça engendre aussi. Moi, je connais des gens qui prétendent que certaines bouteilles ne s'ouvrent pas. C'est-à-dire ne s'ouvrent pas, c'est-à-dire ne s'offrent pas, ne s'offrent pas, après avoir été débouchées, quoi, par l'homme, mais ne s'offre pas à la dégustation s'il y a quelqu'un dans l'assemblée qui lui semble antipathique. Il est possible que le vin soit quelquefois très susceptible et contrariable. Alors moi, je ne peux pas goûter quand il y a un con dans le c'est pas nous qui changeons, c'est le vin, ça c'est sûr. Donc, tu sais désormais que si tu croises Depardieu dans un restaurant et qu'il ne boit pas de vin, c'est qu'a priori, il y a un con à sa table. De la même manière, les spécialistes du Grand Cru ne supportent pas qu'on fasse n'importe nawak avec une bonne boutanche. Il lui faut une cave de papa à cette bouteille, la maintenir inclinée et la tourner d'un quart de temps en temps. Et tiens-toi bien, même jusqu'au dernier moment, une grande bouteille, l'ami, réclame le plus grand savoir-faire. Le bruit d'un bouchon, c'est quand même une chose qui se négocie avec d'abord la qualité du tire-bouchon, la façon d'enfoncer le tire-bouchon et dans la façon de tirer. Parce que c'est un travail, en plus de ça, en plus du travail musculaire, il y a un travail esthétique, c'est-à-dire qu'il faut attaquer sec, ralentir dans une deuxième phase et paf, ressortir sec. Il y a vraiment beaucoup de mauvais tireurs. Oh là, j'en ai rencontré des gens qui font des bruits infâmes. Alors attention pour le déjeuner dominical qui s'annonce, parce que c'est sûr, tu vas boire du vin ce midi. Pense bien à ce que vient de dire Jean Carmé et tente d'éviter, s'il te plaît, les bruits infâmes d'un mauvais tireur. Une fois la bouteille ouverte, le spécialiste sait qu'il faut laisser le vin respirer dans une jolie carafe avant de le déguster. La dégustation, c'est aussi tout un art. Tu renifles, tu mates la robe et tu te fais un bain de bouche. Puis, tu fermes les yeux et tu annonces tranquillement au choix framboise, banane ou cerise. Bref, tu crânes. Mais il faut être vigilant parce qu'il peut arriver qu'un vin te bluffe. Un vin de pute, il vient tout de suite à vous. Parce que c'est vrai qu'il y a des vins qui bluffent. Car le vin qui bluffe... Ce sont des vins qui vous en foutent plein la gueule dès le départ. Donc qui sont tout en rondeur et puis qui vous lâchent d'un seul coup. Qui lâchent, tac, ça tombe. Ce sont des vins traîtres, en fait. Et le monde moderne est habitué... Parce qu'il n'a plus le temps de rien, il est habitué au vin, il aime se faire bluffer. Au passage, les plus grands œnologues peuvent également se faire rouler dans la farine. Une enquête du CNRS publiée il y a seulement quelques jours nous a révélé les résultats d'une petite rigolade. Le CNRS, ce grand farceur, a fait goûter à 57 œnologues internationaux un même vin à 15 jours d'intervalle. La première fois, il leur a été présenté dans une bouteille étiquetée Grand Cru. La seconde fois, le même vin donc est apparu dans une autre bouteille étiquetée « vin de table ». Eh ben bravo, 50 des 57 œnologues sont tombés dans le panneau. Explication, la perception gustative d'un vin ne dépend pas uniquement du contenu de la bouteille, mais aussi de tout un contexte qui entoure la dégustation. Parce qu'après tout... Moi j'aime pas les vins chers, ceux qui se vendent aux enchères et partent en Amérique. Ceux qui font les manières entre la salmenière et les fruits exotiques. Moi j'aime les vins canailles, ceux qui n'ont jamais de médaille au concours agricole. Qui sont nés sur la paille, qui ont les cheveux en bataille, ceux qui n'ont pas fait l'école. Oui, Apprécier un bon vin, c'est surtout apprécier le moment que l'on vit avec lui et avec qui on le partage. Alors, il faut savoir qu'un vin peu cher peut aussi être un grand moment de plaisir. Et d'ailleurs, tant mieux, parce que depuis quelques années, le prix moyen d'une bouteille de vin a explosé. Il n'y a pas si longtemps, tu t'offrais un Bordeaux respectable pour 20 francs chez ton commerçant. Aujourd'hui, il faut compter à peu près 6 euros, autrement dit le double pour une qualité identique. Du coup, apprendre à déguster les grands vins comme on apprend à découvrir les grands peintres demeure encore un plaisir qui coûte souvent très cher. Alors pour enrichir ce regard culturel sur le vin, nous sommes allés voir cette semaine un homme d'élégance, un homme de goût. Il s'agit d'un cinéaste allemand, Palme d'Or au Festival de Cannes en 1984 avec son génial Paris, Texas. Paris, Texas, le magicien Wim Wenders a donc accepté de nous parler de son rapport au vin. Pour commencer, nous lui avons tout simplement demandé s'il aimait le vin. Réponse juste après le jingle. J'adore le vin rouge et quelquefois un verre de vin blanc, mais le vin blanc ne va pas si bien avec moi, je ne peux pas en boire beaucoup. Pourquoi vous êtes malade? Non, ça me fait des douleurs rhumatiques, d'une drôle de manière, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et surtout le champagne. J'adore le champagne, mais si je bois deux verres de champagne, je le sens dans mes genoux. Et alors, est-ce que, justement, en général, l'ivresse, c'est un sentiment dont vous vous méfiez ou est-ce que vous aimez ça, être sous? J'étais, je vous jure, sous une seule fois dans ma vie, mais vraiment misérable. C'était en hiver et je ne sais plus comment j'ai retrouvé le chemin de là où j'habitais, j'étais étudiant. Mais le lendemain, j'ai vu le chemin que j'avais pris parce que tous les 10 mètres, on voyait où j'avais, comment ça se dit, où j'avais gueulé. Oui, vous aviez dégueulé en fait. Dégueulé, voilà. Très bien. Gueulé vous... peut-être aussi. D'accord. Et, vous... et c'était tellement déplaisant que, bon, j'aime bien boire, mais je ne me suis plus jamais vraiment saoulé la gueule. Une première cuite, donc, quand vous étiez jeune, Wim Wenders. Mais depuis, avez-vous rencontré d'autres vins qui auraient pu vous rendre malade? Un jour, j'ai rencontré un metteur en scène qui avait commencé à faire du vin. C'était un metteur en scène connu, Coppola, il s'appelait. On a travaillé ensemble. Et il avait cette idée de faire... Il avait acheté un vignoble et il voulait faire du vin. Et un jour, il nous a tous invités, tous les gens qui travaillaient à Zoétrope, tous les metteurs en scène, on était à plusieurs, on était à une vingtaine de personnes pour goûter son premier vin. Alors on a tous pris un bus, on est allé de San Francisco à Napa et Francis nous a fait goûter son premier vin rouge. Il y avait une grande ronde, on était, je ne sais pas, même plus de 50 personnes. On avait tous le verre dans la main, on a bu la première gorgée, on avait tous les 50 personnes dans la salle, la première gorgée de son vin dans la bouche, on s'est tous regardés et personne n'a dit un mot. Et on s'est rendu compte que personne n'a avalé. Parce que c'était affreux. C'était tellement affreux. J'ai jamais bu un vin si misérable. Et Francis s'est rendu compte. Et que c'est là qu'il a compris que c'était un artisanat. Et c'est là qu'il avait mis toute son énergie à faire du meilleur vin que la première fois. Et depuis, il fait un vin formidable. Il fait un des plus grands vins en Californie, mais je me rappelle de ce moment infernal où on était là à 50 pour, et on s'est rendu compte que ce n'était pas un bon vin, ce n'était même pas un mauvais vin, c'était imbuvable. Alors, Coppola fait sans doute du meilleur vin aujourd'hui, mais si ce soir on devait dîner avec vous, Wim Wenders, quel vin faudrait-il vous offrir pour vous faire réellement plaisir? Il y a un vin dans le monde, c'est un vin français que j'aime plus que tous les autres. J'aime bien les Californiens, les Italiens, les Espagnols. J'aime bien le vin. Je préfère le vin français. Mais là, il y en a un qui est mon grand favori. Et ça a commencé, cette histoire d'amour, un jour où j'étais vraiment très, très misérable. C'était une des plus grandes catastrophes de ma vie. Je suis allé tout seul, me saouler la gueule. Je me suis trouvé un petit vin. Et c'était le vin le plus beau de ma vie. Ce vin m'a sauvé la vie. Cette bouteille du Gevrey-Chambertin, c'était un merveille. Ça m'a donné un tel confort que de, Depuis, c'est mon vin préféré. Et un jour, je suis allé. C'est la seule fois dans ma vie que je suis allé voir comment se fait ce vin. Et j'ai vu que c'était seulement 2-3 collines. À vrai dire, c'était une dizaine de champs de football, pas plus grand que ça, où on faisait ce Gevrey Chambertin. J'ai photographié tout l'endroit. Et depuis, si jamais je peux, dans un restaurant, s'il y a une bouteille de Gevrey Chambertin, je bois ça, je bois rien que ça. Pour retrouver ce bonheur, je ne l'ai plus jamais retrouvé. Il est toujours formidable, mais ce premier moment, ce moment le plus heureux que j'ai passé dans ma vie avec un verre de vin, je suis toujours à la recherche de ce moment. C'était Wim Wenders, sobre, pour la panique au Mangin Palace. Pushing the whip of your dreams down it. How you gonna wash the blood from your hands? You claim you're doing God's work, greet the family with a smile, and all the while you've been raping it. You a priest, but you still can't wash the blood from your hands. The self-hate they create in your head got you picking up their weapons and leaving your brothers dead. Tell me, how you gonna wash the blood from innocent kids so you can fill your pockets? Tell me, how you gonna wash the blood from your hands? Now think of all these project buildings they got us living in. It's like we're raised in prison cause of the color of our skin. Now how you gonna wash the blood from your hands? The pharmaceutical industry needs to get paid. They're sitting on a cure watching newborn babies die of AIDS. Tell me, how you gonna wash the blood from your hands? How could you keep exploiting third world children, using them as underpaid slaves so you can make your men begin? How you gonna wash the blood from your hands? Judgment Day, qu'interprète Miss Dynamite, une chanson qui a de la cuisse. Le jour du jugement, parce qu'une fois le vin tiré, il faut bien savoir si tu peux le boire. Alors certes, comme on vient de le voir, le vin revêt un aspect culturel indéniable. Mais dans notre exploration du jus de raisin alcoolisé, on ne peut pas nier non plus que le vin possède aussi un caractère de lien social évident. Le verre de la fraternité signifie réellement quelque chose d'important dans la culture populaire. Un bon vin s'apprécie d'autant plus quand il est partagé autour d'une table et surtout en bonne compagnie. Du coup, la qualité du vin n'est pas forcément la priorité recherchée. C'est dans ces moments particuliers que le vin enivre un peu plus et permet les fêtes les plus folles, même à la maison. Ah ça oui, on est très loin du Romanée Conti, mais bon, un verre de blanc qui te ramonne l'estomac avec du saucisson bien gras, ça fait toujours son effet, surtout quand il y a Gilou à l'accordéon, trop classe. Par ailleurs, quand tu chasses la gazelle, le vin, c'est aussi un bon moyen pour tenter d'approcher cette belle inconnue que tu regardes et qui te plaît. C'est vrai que le vin te propulse dans une douce ivresse et te désinhibe. Mais il est surtout plus élégant d'offrir et de partager une coupe de champagne plutôt qu'une canette de bière. C'est une question de point de vue, mais je pense qu'il est tout de même plus facile d'amorcer une drague en commençant par un truc du genre « Est-ce que vous me permettez de vous offrir une coupe de champagne, mademoiselle ?» plutôt que par un truc du genre « Tiens mignonne, prends une mousse, non ?» Mais bon, va savoir, chacun son truc pour choper. Toujours est-il que, vin ou pas, il faut faire attention parce que si tu picoles trop, crois-moi, tu vas ramer pour accompagner la donzelle chez elle, va falloir sortir les avirons. Un peu à bout, c'est rien. Cela dit, il arrive que l'amoureux et conduit finisse par noyer son chagrin dans l'alcool. Et il trouve alors dans le vin un ami consolateur. Parce que le vin permet aussi de faire oublier les plus outrageantes déconvenues. Je suis sous ton balcon. Comme Roméo. Seul. Bon, puisque c'est ça, je vais me saouler la gueule. Manquerait plus que l'amoureux et conduit en prennent l'habitude. Parce qu'après, c'est une autre histoire. Il faut aussi se méfier du vin car il peut aussi détruire le lien social. Le vin favorise ta solitude et entretient ton désespoir. Et c'est alors que ta vie devient une ville fantôme dont les rues portent des noms que tu arpentes tous les jours et que tu connais de mieux en mieux, Chablis, Pouilly, Beaujolais. Tu finis par te retrouver seul aux Zinc ou dans un bar d'hôtel et tu regardes les gens passer parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Je bois n'importe quel jaja. Pourvu qu'il ait ses 12 degrés 5, je bois la pire des vinasses. C'est dégueulasse, mais ça fait passer le temps. Toutefois, il arrive parfois que deux solitudes alcoolisées se rencontrent et se comprennent mieux que personne. Ils trouvent toujours le moyen de partager leurs plus beaux souvenirs, leurs plus beaux rêves. La mélancolie les emporte dans un lyrisme que le vin permet. D'ailleurs, seuls les aristocrates de la bouteille peuvent connaître ces moments de grâce qui souvent les ramènent vers des paradis perdus. Un miel de poitre. Allez, le galop, le divin chauve. La gloire des fusillés marins d'Extrême-Orient. La manolette, tu as l'Inarès par le taureau Islero. Et celui-là, je le bois à mon pote Gédéon, tombé dans le traquenard de Langson. À Rosellito, le plus grand de tous. Il a un temps, messieurs. Si ça continue, vous allez vous saouler. Mais quand on est en perme, c'est pour ça. Mais qu'est-ce que tu cherches? Claire, elle devait me prendre à la sortie des arènes. Mais c'est de ta faute, si tu buvais plus vite, elle serait déjà là. Les choses entraînent les choses, le bidule crée le bidule, y a pas de hasard. Allez, on rentre à la caserne. Mais laisse, Claire et moi t'avons invité. T'occupe, la bleusaille, j'ai touché mon arriéré de solde, alors, hein. La nuit de chez la nuit d'amour. Merde! Il fait nuit, dis donc. Bah c'est normal, c'est le changement de latitude. Allez, en avant. Malheureusement, le réveil est toujours beaucoup plus douloureux pour ces alcooliques au sens noble. Le problème avec l'alcoolisme, c'est que la bouteille devient ta meilleure amie. Elle rôde constamment, elle te manque, tu lui manques, tu la cherches, tu tentes de l'égarer, mais tu finis toujours par la retrouver. C'est un enfer, elle ne te laisse jamais tranquille. Jolie bouteille, sacrée bouteille, veux-tu me laisser tranquille? Je veux te quitter, je veux m'en aller, je veux recommencer ma vie. Alors, pour faire face à l'abus d'alcool, dangereux pour la santé, il n'y a qu'une solution, vanter les mérites de l'eau minérale. Chacun sait que pour venir à bout de l'alcoolisme, il ne faut plus boire une seule goutte de vin et se persuader des bienfaits des boissons sans alcool. Même si c'est difficile, je te jure, certains y arrivent très bien. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, en tant que délégué de la Ligue anti-alcoolique, je vous parlerai de l'eau minérale. De l'eau ferrugineuse. L'eau ferrugineuse, comme son nom l'indique, contient du fer. Du fer. Et le dire, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. L'alcool, non, mais l'eau ferrugineuse, oui. C'est parce que l'eau a passé et repassé sur le fer, et le fer a dissous. Il y a 10 sous, le fer. Et le fer à 10 sous, c'est pas cher, hein? Alors, pourquoi boire cet alcool qui, plus onéreux que le raffarin-chinoineuse, ruine la santé et le portefeuille? L'alcool, non, mais l'eau faire-chinoineuse, oui. Eh oui, quand l'alcool t'a foutu la grappe dessus, c'est un enfer pour s'en dépatouiller. C'est, comment dire, une sorte de sympathie pour le diable qui te colle à la peau. Sympathy for the Devil, les Rolling Stones en 1968 dans l'album Beggar's Banquet. Parce qu'au-delà du vin de messe, il y a quand même le dieu Bacchus, le dieu du vin et du plaisir, à qui va toute notre sympathie. Alors, pour poursuivre notre voyage dans la galaxie vinicole, nous allons retrouver maintenant nos deux héros des temps modernes, les incroyables Monique et Jean-Claude, qui, cette semaine, sont partis dans le Bordelais pour faire les vendanges. Ils sont heureux, Monique et Jean-Claude, de prendre part à cette fête millénaire des vendanges, à cette tradition où l'héritage culturel et dame nature se mêlent en une danse dionysiaque. Nous les referons ensemble, nous les referons ensemble, demain les vendanges de l'amour. Nous les referons ensemble, nous les referons ensemble, demain les vendanges de l'amour. La la la la. C'est William, le cousin de Jean-Claude, qui, en manque de main-d'œuvre, les a conviés à un week-end de dégustation de vin en échange d'un coup de main pour les vendanges. Jean-Claude et Monique sont arrivés la veille dans la grande maison du vigneron et auraient passé une nuit merveilleuse si elle ne s'était pas terminée de très bonne heure. Dehors, le temps est gris et il pleut. Monique s'est fait un brushing pour le week-end et à coup sûr, avec l'humidité, elle va friser, ça va être beau. Le petit déjeuner est un peu brumeux et les bonjours échangés avec les compagnons de travail sont assez brefs et ensommeillés. William, lui, est de très bonne humeur, le pinard, il a ça dans le sang. Dès sa naissance, c'est fou quand on y pense, avec violence, il repousse à le lait, que ça nourrisse une fille sans malice. Venez de Suisse, gentiment lui donner. Car le bon vin de Saint-Émilion, ça vous donne un cœur de lion, à condition d'en mettre dans les biberons. C'était un bébé ni bon ni laid. Une fois le petit-déj fini et le matériel embarqué dans une 4L break, tout le monde se dirige vers les vignes. Monique et Jean-Claude sont maintenant totalement équipés. Ils portent de magnifiques cirés jaunes et des bottes en caoutchouc. Monique, elle, a réclamé une paire de gants car elle vient de se faire les ongles et faudrait pas qu'elle s'abîme les mains. William leur confie à chacun un sécateur et un panier. Une fois que chacun a son matériel, William fait l'appel de ses saisonniers et leur désigne un rang. Michel, présent. Marie, présente. Jamel, présent. Johnny, ah, que présent. Victor, ouais. Igor, oui. Mounia, présente. Nastasia, oui. Miguel, présente. Monique et Jean-Claude se lancent alors dans la bataille, plein d'ardeur et la joie au cœur. Mais à peine un quart d'heure plus tard, Monique n'en peut déjà plus. Elle a mal au dos, à force d'être baissée, elle a au moins une tonne de terre collée à ses bottes, et puis elle s'est cassée un ongle, rien ne va plus. Jean-Claude soutient sa femme, car la journée va être longue. Motivé, motivé, il faut rester motivé. Motivé, motivé, il faut se motiver. Motivé, motivé, soyons motivés. En effet, il faut être motivé car la journée est longue, très longue. Monique, qui avait coupé les premières grappes avec l'amour dû à la terre nourricière, commence à filer des coups de sécateur rageurs en demandant sans cesse une pause. William motive ses troupes en promettant une pause au bout du rang. Mais pour Monique, c'est trop. Au premier rayon de soleil, elle se sert de son panier comme d'un siège et se goinfre de raisins. Jean-Claude, lui, ne cesse de remplir son panier. Monique admire l'énergie de son mari, mais en comprend très vite la motivation. À chaque fois qu'il va vider son panier, Jean-Claude s'offre un petit verre de vin blanc, ce qui le rend tout guiré. Le vin, Jean-Claude, ça le rend lyrique. Le vin me saoule, donne-moi la main. Les bras s'enroulent, retour de terrain. Le vin m'emporte vers d'autres chemins. Ferme la porte, l'amour nous va bien. La journée se poursuit péniblement. Le midi, Jean-Claude s'engouffre un énorme sandwich et surtout une douzaine de cannelés. Il a pris la part de Monique qui s'est endormie au milieu des grappes. Quand il faut reprendre le travail, la motivation du matin s'est bien atténuée. Jean-Claude a de plus en plus de mal à porter son panier et Monique ne se résigne pas à le voir ainsi peiné. Elle veut l'aider. Lève-toi, c'est décidé, laisse-moi te remplacer, je vais prendre ta douleur. Mais Jean-Claude ne veut pas. Il est quand même capable de porter un panier. Il soulève donc sa charge et fait juste un mètre avant de le reposer. Monique insiste. Je vais prendre ta douleur, prendre ta douleur, je vais prendre ta douleur. Jean-Claude ne veut rien entendre. Il va apporter lui-même son panier au camion malgré une douleur de plus en plus forte au bas du dos. Je vais prendre ta douleur, je vais jouer au docteur. Tu me gonfles, Monique. Le soir arrive enfin et il est temps de repartir. Monique et Jean-Claude ont décidé de ne plus jamais adresser la parole au cousin William. Ils rêvent d'une douche et de se coucher. Mais quand William les invite dans le chai pour une dégustation, tout change. William a ouvert quelques bonnes bouteilles et Jean-Claude est ravi de pouvoir tester ses talents d'œnologue. Ouais, bouquet garni avec des relents de banane. Au bout du 14e verre, Jean-Claude a un peu de mal à différencier les arômes, mais il veut poursuivre la dégustation. Au suivant, au suivant, au suivant, au suivant, au suivant. Voyant que Jean-Claude apprécie ses bouteilles, le cousin William décide de sortir une cuvée spéciale, une bouteille de derrière les fagots. C'est alors que les saisonniers qui tiennent encore debout découvrent avec un certain étonnement ce qu'est une boisson d'homme. Connaître. C'est du brutal. Vous avez raison. Il est curieux, hein. J'ai connu une polonaise qu'on prenait au petit déjeuner. Faut quand même admettre que c'est plutôt une boisson d'homme. Tu sais pas ce qui me rappelle? Cette espèce de drôlerie qu'on buvait dans une petite tôle de Biennois, pas tellement loin de Saigon. Les volets rouges et la tôlière, une blonde comac. Comment qu'elle s'appelait, nom de Dieu? Lulu la Nantaise. T'as connu? J'y trouve un goût de pomme. Il y en a. Vous avez beau dire. Il n'y a pas seulement que de la pomme. Il y a autre chose. Ça serait pas des fois de la betterave? Hein? Si. Il y en a aussi. Monique, elle, a bien compris que le Bordeaux est un vin d'assemblage. Elle mélange désespérément un haut médoc et un sauterne pour faire du rosé, mais ça ne marche pas. Alors elle s'endort, à même le sol. La voyant couchée là, dans le chai, Jean-Claude s'approche doucement, la prend dans ses bras et lui murmure à l'oreille. La saison des vendanges, on récolte le fruit, le meilleur des mélanges. Tu es mon millésime, ma plus belle année. Jean-Claude, l'alcool, ça ne le rend pas que lyrique, ça le rend con aussi. Les vendanges, c'est bien, mais c'est épuisant. Il n'y a pas de doute, l'année prochaine, ils sauteront l'étape vendange, trop fatigante, et iront directement dans un bar à vin. Sous le soleil de Bodega, les négresses vertes en 1991, car il est bon de terminer une émission sur le vin et les vendanges en faisant un petit tour sous le soleil de Bodega. Nous voici donc arrivés au terme de notre exploration. De Wim Wenders sobre à Jean-Claude bourré, de l'art du vigneron au plaisir d'un grand cru, nous avons voulu te dresser un panorama du vin à l'époque des vendanges. Alors, c'est quoi au juste les vendanges? Eh bien, c'est tout d'abord un moment particulier dans le rythme des saisons. C'est surtout la promesse de plaisirs à venir. Mais les vendanges en 2005, c'est également la crainte d'une crise viticole. Les Français boivent moins, mais sans doute mieux. De plus, au dire des spécialistes, la mondialisation pousse à une homogénéisation des goûts et donc à l'uniformisation des vins. Les terroirs souffrent de la concurrence des cépages. Et si la consommation mondiale de vin augmente, c'est essentiellement les nouveaux pays producteurs comme les États-Unis, l'Australie ou le Chili qui en profitent. Le vin a donc un avenir, surtout depuis que certains scientifiques nous affirment que boire un petit verre de vin rouge peut guérir le mal du 21e siècle. Non, pas la grippe aviaire, mais les maladies cardiovasculaires. Cela dit, le vin reste très loin derrière la potion miracle qui doit régler tous nos problèmes. Le vin n'est rien face au cocktail détonnant dont on ne cesse de nous vanter les mérites. Versez deux doigts de libéralisme et rajoutez un zeste de mondialisation, vous obtiendrez le remède miracle à tous vos soucis. Allez, buvons ensemble l'universel panacée. Buvons, buvons, buvons le sirop typhon, typhon, typhon, l'universel. Le libéralisme, le nouveau sirop typhon des élites établies. Voilà, fin du quatrième épisode. C'était « C'est quoi le vin à l'époque des vendanges ?» revu à travers le prisme de notre vaisseau spatio-temporel. L'équipage, toujours composé d'une bande de furieux, espère que tu as fait bon voyage et t'attend dès la semaine prochaine pour une nouvelle aventure intergalactique. Voilà, c'était Panique au Mangin Palace, Radio Mix a été coécrit Les Doigts dans la Prise avec Xavier Mauduit, alias Luke Skywalker, un co-auteur Jedi et un ami précieux. Au platine, au montage et à la réalisation, il y avait bien sûr Maître Yoda, alias H2M, le génial Henri-Marc Mutel, 27 ans de pilotage. Merci beaucoup Marco, assisté aujourd'hui de Fabrice Desmaz et de Julien Dumont. Merci à vous deux. Pour toute la documentation, les recherches sonores et plein d'autres choses, on dit merci beaucoup à Amel Kaldi, alias Princesse Leia, qui s'est beaucoup démenée pour trouver Wim Wenders. Merci beaucoup Amel. Pour le disque laser, on a Thierry Dupin, qu'on remercie également vivement. Il me reste aussi à remercier deux autres membres de l'équipage, Maud Lobnitz et Caroline Chausset, documentaliste Alina Mangin. Pour toutes les informations complémentaires, la Panique au Mangin Palace possède un site internet sur franceinter.com où vous pouvez également nous écrire des lettres à France Inter 19 avenue du Général Mangin, Paris 16e, autrement dit au Mangin Palace. Après le flash, vous retrouvez Patricia Martin pour son émission Philophile. Allez, portez-vous bien et surtout, ne lâchez rien. Ciao.